Explication de l'eau. Il faut une telle ouverture pour la compréhension de l'univers, de l'air céleste, cela induit une telle compensation. L'homme du Verseau est le porteur d'eau. Quand nous baissons notre fréquence vibratoire, l'air ou l'énergie se transforme en eau. L'eau est mémoire dans notre âme, feu eau. Cette énergie est ralentie pour pouvoir nous pénétrer. Ensuite, la vibration s'accélère et cette eau redevient légère dans notre âme. Ce phénomène s'appelle la transmutation. Il nous est alors possible d'aller en haut et en bas, d'accélérer ou de ralentir, d'aller à droite ou à gauche, d'élargir ou de rétrécir, ce qui permet le mouvement pour transmuter toutes les énergies qui viennent à nous ou que nous attirons. L'humilité est une action de notre propre compréhension intérieure, en correspondance vibratoire avec l'univers, pour comprendre où nous nous situons exactement. Ce n'est pas, comme on le croit, implorer un Dieu qui est dans le ciel. Bien sûr, nous sommes tous divins. Cependant, le cheminement permettant d'aboutir à la finalité désirée est beaucoup plus long pour certains. La seule compréhension que nous devons avoir pour l'instant, c'est de plonger en nous-mêmes, pour que chacun puisse ouvrir la porte du passage. À partir de là, il sera dévoilé à chacun, dans une équité universelle, ce que nous devons savoir pour cheminer correctement dans l'ordre cosmique. Nous n'avons rien à craindre car nous sommes immortels. Mais ceci, uniquement lorsque le passage est fait. Sinon, nous sommes en dualité et cela est très, très dangereux pour notre corps physique, maladie. Notre âme en est consciente et elle nous avertit par des signes. L'âme est une constitution moléculaire, que seul un être divin est capable de discerner dans son infime partie. Si nous n'en saisissons pas la totalité, ce n'est pas important. Ce qui est très important, c'est de savoir que les êtres divins souffrent. Ils souffrent parce qu'ils acceptent de porter notre propre porte, compensation énergétique et transmutation permanente, pour éviter le pire sur Terre. Ils ont la clé, mais ils ne peuvent pas la tourner à notre place dans la serrure. Là-haut, tous les êtres divins se mobilisent, pour que chacun d'entre nous trouve l'ouverture. Une histoire illustre bien ce qui précède. Sur la plage, Dieu marche avec un homme. Derrière eux, leurs pas s'inscrivent sur le sable. L'homme dit à Dieu, « Tu es toujours près de moi quand je vais bien, mais quand je vais mal tu n'es plus là. » Dieu lui demande pourquoi il affirme cela, c'est tout simple. « Regarde, il n'y a plus qu'une seule trace de pas sur le sol. » Dieu sourit et dit, « Il est vrai que c'est tout simple. On ne voit qu'une trace, car je te porte sur mes épaules. » Comment la verticalité du passage va-t-elle se faire sur la planète comme sur l'homme? Les vibrations extrêmes entre le coccyx et le coronal de la Terre, ou de l'homme, vont créer des distorsions telles qu'elles vont permettre de casser la croûte mémoire de la destruction actuelle de la planète et de l'homme. Cette force énergétique planétaire est actuellement là, en fonction. Imaginons un tremblement de Terre. Il faut alors être prêt pour que chaque chakra, sur chaque continent et dans chaque homme vibre, afin de faire pénétrer une énergie colossale, qui est préparée activement par l'univers, et qui va ouvrir le chakra laryngé de l'humanité, le chakra du Verbe. Première porte du Verbe, la porte des enfers, le laryngé. C'est le creuset dirigeant les lois célestes en nous, âme. Il accorde nos sons avec ceux de l'univers. C'est la première marche d'Isi, qui ouvrira notre conscience. Le laryngé représente la profondeur de notre nature, le détenteur du savoir de la nature. Tant pis pour ceux qui ne feront pas l'effort nécessaire. Tout le monde est averti. C'est pour cela qu'il n'y a aucune raison de s'apitoyer. Lorsque nous nous apitoyons, c'est tout simplement par regret de ne pas avoir franchi une porte qui devait l'être. Cependant, nous pouvons compatir. La compassion est un échange de cœur à cœur entre une personne céleste et une personne initiée, non céleste. Cet échange a la possibilité de pénétrer dans l'aura. Le reste n'est qu'illusion et ne fait que retarder la compréhension de l'univers, alors que nous tournons en rond dans notre propre cellule. C'est pour cela que chacun d'entre nous ressent son corps comme une prison. Ce n'est que lorsque nous franchissons le passage que nous sommes libérés. C'est cela, la liberté tellement prônée et recherchée. Si ce langage heurte notre raison, c'est qu'il est devenu impératif de nous mettre en action. Malheureusement, seules les erreurs permettent de déclencher les épreuves, et de secouer la poussière de notre conscience. C'est seulement quand on se sent acculé au mur que l'on se met en route. Attention, cela ne suffit pas. Il ne suffit pas d'acquérir une compréhension avec l'épreuve, il faut la fortifier, la faire durer dans le temps. C'est l'endurance qui permet qu'un plan supérieur nous soit octroyé proportionnellement et équitablement au travail désiré par l'ordre cosmique. Chacun avance selon sa résonance, et ne doit pas envier l'autre. Nous en sommes au moment d'un affrontement énergétique très puissant. L'énergie qui descend sur la Terre est colossale. C'est un univers englobant un univers, qui va englober un autre univers. Imaginez un oignon qui va se replier sur lui-même en énergie de feu. Essayez d'en comprendre, ne serait-ce qu'un millionième de conscience. Si nous sommes prêts, nous allons avoir un bouclier tel que rien ne pourra nous atteindre car seuls les peurs font vaciller dans la matière. L'équilibre matière céleste, les plateaux de la balance du jugement, nous donnent l'exactitude et la coordination parfaite entre les informations de l'esprit et sa descente. En abaissant son taux vibratoire, l'esprit se met à la fréquence de la matière, pour pouvoir la pénétrer et élargir la conscience. essayons avec notre cœur de le discerner, ne serait-ce qu'un filet aussi fin qu'un rayon de soleil. À ce moment-là, nous ouvrirons toute grande, la porte d'or, la porte de la connaissance qui nous mène au céleste, vibration lumière. Une personne qui est feu ne pourra utiliser plus de feu, qu'elle ne peut assumer par son aura qui est eau et feu. Il faudra plusieurs jours ou quelques secondes, suivant la vitesse atteinte par son évolution, pour assimiler les nouvelles mémoires du feu. La mer est ajustée en fonction des données de l'ordre cosmique. Au moment où chaque personne parlera, ouverture du chakra du laryngé de l'humanité, et diffusera la parole, si elle n'est pas incarnée, l'énergie fera comme un boomerang, et retournera dans le céleste pour la détruire. Les êtres divins seront alors obligés de canaliser l'énergie reliée à leur chakra et plus spécialement, à celui du cœur. Nous devons être plus attentifs à nos paroles, car la parole est également créatrice, détruire ou construire. Ce que nous détruisons en nous se répercute dans l'espace. Chaque fois que l'énergie descend avec le complément de ce que nous avons émis, elle se diffuse équitablement, dans la matière et dans l'esprit. C'est de cette façon que nous détruisons notre planète, en émettant des paroles ou pensées destructrices. Nous construisons lorsque nous sommes ajustés à nos paroles, actions et pensées. Le rôle de l'esprit est d'aller à l'extrême de la matière. La moindre cellule de notre corps est pénétrée, nous ne pouvons pas y échapper. Il ne faut pas ignorer la responsabilité de nos comportements. Chacun doit ouvrir son rayon de soleil et sa porte du cœur. Attendrons-nous que les autres commencent ou sommes-nous prêts à prendre nos responsabilités maintenant? On ne peut dévoiler une connaissance à une personne, et avancer dans une synthèse énergétique, que lorsque la personne a franchi le seuil. Dévoiler la connaissance lorsque ce n'est pas le moment, engendre un trou, un écart très important entre le passage, et les propres illusions de la personne. Si dans les écritures sacrées tout est voilé, c'est parce que, pendant le dévoilement, nous sommes pénétrés par les énergies des écrits enfin compris, ce qui nous transforme. Chaque fois que nous comprenons une clé, nous acquérons des mémoires. Ces nouvelles mémoires vont remplacer les anciennes. Nous pouvons bien lire tous les livres sacrés qui existent, si nous ne pouvons les décrypter avec le cœur, cela ressemblera à un coup d'épée dans l'eau. Le désert représente notre manque d'eau. Notre manque de matière correspond à notre manque de connaissances célestes. Lorsque l'on traverse le désert, c'est son propre désert que l'on traverse. Le désert n'est que sa mort symbolique et uniquement ceci. C'est pour cela que le royaume des cieux nous appartient lorsque l'eau, mémoire, coule en abondance en nous. C'est la base de toutes les connaissances universelles. L'air céleste représente l'eau terrestre qui nous a pénétrés. Rien ne peut être dévoilé tant que chaque terrain intérieur est désertique, parce que nous allons projeter nos détritus sur notre environnement. Voici la véritable cause de l'état actuel de notre planète, de la désertification grandissante, et du mal-être de l'humanité. C'est de la nature et de l'espace que tout nous vient et que tout nous est donné. Avez-vous remarqué combien il devient de plus en plus inopportun de montrer du doigt, et d'exprimer un blâme envers quiconque en dehors de soi? Cette façon de faire nous évite de prendre nos propres responsabilités. Elle nous fait gaspiller une énergie et un temps précieux, qui pourraient servir à nous transformer grâce à une prise de conscience. Personne n'est particulièrement à blâmer, car nous sommes tous responsables. En reconnaissant cela, non seulement nous gardons nos forces mais, le plus important est, que notre perception des choses change, et que le problème devient un défi à relever. Voir les choses en face signifie, envisager calmement tous les remèdes possibles sans craindre les solutions instantanées. C'est aussi comprendre à quel point, notre temple a été délaissé, et qu'il est temps de le rénover, de l'embellir, même s'il en coûte. Plus il en coûte et plus nous recevons en équivalence, toute l'énergie essentielle à cette rénovation. Alors, essayons du mieux que nous le puissions, de nous connaître à fond. Ainsi, nous découvrirons l'univers et nous concevrons notre totalité. Ceci nous donne à réfléchir, si un rayon de soleil traverse notre cœur. Par contre, si nous sommes bornés et que nous continuons dans nos erreurs, nous allons nous priver de fabuleux paysages sans en avoir saisi la grandeur. Il nous faut avancer dans la compréhension sinon, nous nous enliserons dans nos propres méandres. Fonçons vers le renouveau proposé. La pauvreté extérieure reflète notre pauvreté intérieure. Chaque fois que nous grandissons, nous nous embellissons. Ainsi en est-il de notre entourage. Nous pourrons avoir une connaissance qui nous portera à l'immortalité, et permettra à chacun d'entre nous d'œuvrer dans un paradis. Nous sommes le seul bâtisseur de notre illumination, l'éveil. Ainsi, nous pourrons être en totale relation avec les êtres de lumière, nos ancêtres. Le moment crucial du défi de notre environnement, la Terre, notre corps, est pollué. Elle a besoin d'un nettoyage en profondeur, et l'univers lui enverra les énergies qui lui permettront de se débarrasser de sa pollution, suivant son degré d'évolution. En effet, on peut constater les dégâts causés par les inondations, la sécheresse et les tornades. La Terre a reçu le Tao, feu, eau et air. L'énergie de ces trois éléments, contrebalance pour le nettoyage des mémoires que l'homme lui inflige. Vu l'ampleur et la récurrence de la pollution, cela peut durer plusieurs décennies. Il serait temps d'agir efficacement et de toute urgence. Plus les hommes mettront du temps à rectifier le tir, plus les dégâts prendront de la force, jusqu'à ce que l'homme capitule. C'est lui qui ne respecte pas l'ordre et les lois divines. C'est lui le destructeur. C'est à lui de réparer ses erreurs. Il est impératif que l'homme cesse de perdurer dans son ignorance, afin de remettre les choses en place, pour que l'équilibre revienne. Nous pouvons remarquer le grand nombre de personnes, qui se regroupent dans un but d'évolution en changeant leur façon de vivre. Ceci est la réponse à l'appel urgent adressé par les divinités, pour que l'homme se mette en route, et corrige immédiatement ses erreurs. Que faut-il faire? Il faut tout d'abord que l'homme prenne conscience du résultat des bêtises, qu'il a faites tout au long des millénaires passés. Ensuite, il doit faire en sorte de se corriger immédiatement, par la recherche de sa mémoire du passé. Il pourra ainsi retrouver ses connaissances antérieures, qui permettront de comprendre ses erreurs, et de les corriger suivant les lois divines. Bien sûr, ce travail en est un de longue haleine. C'est le prix à payer pour que l'humain retrouve la véritable vie. Nos pensées sont restées au niveau de la matière. Elles n'ont pas encore atteint la dimension céleste où il est possible de tout réaliser. Depuis un siècle, particulièrement au cours des 50 dernières années, il y a eu une accélération matière, c'est ce que l'on appelle le soi-disant progrès. Elle correspond au départ de l'accélération cosmique de la fin des temps. Nous sommes propulsés vers la renaissance de nos possibilités de créateurs. Nous vivons une accélération de croissance pour rattraper le retard de plusieurs millénaires, mais nous la concrétisons dans le progrès destructeur. Et l'Apocalypse nous révèle notre niveau de création. L'invention de la radio aurait dû être l'ouverture et le développement de la télépathie. Tout le monde est télépathe. Hélas, l'humanité l'a appliquée, concrétisée au niveau destructeur où elle se trouve maintenant. En effet, la radio émet des ondes électromagnétiques, qui détruisent notre aura parce qu'elles sont plus basses que la fréquence de notre âme. La voiture permet de se déplacer avec notre corps. Le train permet d'accélérer la puissance dans le déplacement. La fusée permet de se propulser dans les airs, à l'image de l'élévation, du grand éveil. Le cinéma et la télévision amènent une vision au-delà de la matière et de la projection de sa pensée. Le nucléaire équivaut à la lumière spirituelle dans le cœur pour transmuter. L'ordinateur, c'est la logique, l'ordre dont nous avons besoin pour retrouver les mémoires de nos connaissances, et celle de l'ordre cosmique. Le laser correspond à l'influence de l'esprit sur la matière, etc. Si l'humanité avait suivi le programme cosmique, elle se serait retrouvée dans sa véritable fonction, l'archétype. En prenant conscience de ce qui précède, nous pouvons constater toute l'ampleur de notre destruction. Ce que l'homme a construit, hélicoptères, chars, etc., nous le retrouvons sur les fresques d'Égypte à Abydos. Comment savait-il cela pour l'inscrire sur les fresques? Fresque d'Abydos. Si l'homme prend le mauvais chemin, celui de la destruction, il ne créera que des engins qui le détruiront. L'homme n'apporte que la servitude du conformisme de la réalité terrestre, et non le sacré de l'au-delà qui doit jaillir de lui. Observez et vous verrez que tout est fait pour détruire l'homme. L'homme est un prédateur pour l'homme. Celui-ci se trouve à la croisée des chemins. À votre avis, que faut-il faire pour s'en sortir? Nous préférons poursuivre notre train-train quotidien sans trop se poser de questions. Qu'attendons-nous pour inverser la vapeur en nous servant de ce que nous avons en nous, puisque nous sommes aidés par le cosmos? Si cela était notre réel désir, cela pourrait se faire très vite. Il faut choisir les valeurs humaines, morales, spirituelles et justes, sachant que l'adhésion à ces valeurs influence nos décisions et dirige nos actions. Âme, d'où émanent nos pensées, et atomes, l'unité de base de la matière, ont été reconnus pendant des milliers d'années. Tous deux sont des forces d'énergie. L'âme est la lumière spirituelle, constante, intangible et invisible à l'œil physique. On peut l'expérimenter en tant qu'énergie mentale et spirituelle. L'atome, lorsqu'il est examiné de près, est aussi constitué de champs intangibles d'énergie physique entremêlés, qui changent constamment de forme. La relation qui existe entre ces deux champs vibratoires d'énergie est plus évidente dans la relation entre l'esprit et le corps. Les médecins d'aujourd'hui attribuent plus de 90% des maladies physiques à des causes psychosomatiques. C'est dire toute l'importance accordée à l'effet de l'esprit, ou des pensées sur les tissus et les divers systèmes du corps. La qualité de nos pensées dépend de la qualité de notre conscience. Colère et tension engendrent des pensées destructrices qui, à leur tour, influencent les esprits et les pensées d'autres personnes. Des pensées paisibles sont porteuses d'une vibration créatrice, qui aide d'autres personnes à se sentir détendues. Les décisions prises dans un état de calme ont plus de chances d'être de bonnes décisions, claires et efficaces. Cet état de paix favorise l'union tertielle. La même chose s'applique au corps de la planète Terre. Nous ne sommes pas seulement les administrateurs de tout ce que la nature nous offre. Nous avons aussi la responsabilité de donner l'énergie et la puissance de nos pensées pures, ni de l'univers, jusque dans le moindre atome du monde naturel. Il faut savoir que nous recevons tous les messages de notre univers et de notre planète. Si nous avons un karma, nous appliquons ces messages dans la destruction, et nous continuons à tourner en rond. Ceux qui sont dans le dharma appliquent correctement ces messages. Lorsque le karma est réglé, nous retrouvons notre mémoire et nos connaissances, là où nous les avons laissées. Le Feng Shui ou l'harmonie du site, l'art du Feng Shui, savoir de l'ancienne Chine, consiste à intégrer les constructions en harmonie avec le site, en utilisant les courants locaux, cosmiques et telluriques. à partir de deux grands courants de vie, définis comme le dragon et le tigre, la tradition chinoise a étudié le relief de la même manière qu'elle a défini l'acupuncture. Le dragon et le tigre. Le dragon représente l'énergie Tao du Yang, la chaleur et la force. Le tigre représente l'énergie Tao du Yin, le froid et la souplesse. La connaissance de ces forces et de leur équilibre permet de soigner la terre tout, comme l'acupuncture soigne le corps humain. C'est tout l'art de l'observation des lieux et de l'application des lois naturelles énergétiques de la science chinoise, apporter l'harmonie à un lieu en tenant compte de son orientation dans l'espace. Ainsi, les Chinois ne construisaient rien au hasard. Ils connaissaient les effets de l'environnement sur les constructions et leurs habitants. Par exemple, lorsqu'ils voulaient que leur commerce marche bien, et que tout soit pour le mieux dans leur renommée, ils adoptaient des orientations privilégiées dans la disposition des pièces. Avant de construire, il importe d'étudier les caractéristiques du lieu. La forme de la maison entre en jeu dans l'ensemble de l'étude. Sa forme, elle émet des sons et influence le lieu. Tout cela est une science qu'il serait bon d'apprendre et de mettre en pratique pour pallier tous les problèmes que les gens rencontrent dans leur maison, maladies ou troubles de comportement. Il serait largement temps, au lieu de mettre tant de choses inutiles dans la tête de nos enfants, de leur apprendre toutes ces connaissances que maîtrisaient déjà nos ancêtres. Tant de catastrophes sont générées par le déséquilibre de nos constructions, par les déboisements sauvages et par le défoncement, creusage de carrières ou de mines, dans les montagnes. Cela chamboule toutes les énergies qui étaient harmonieusement orchestrées. Étant donné que l'homme a perdu ses connaissances, il devient un apprenti sorcier pour la nature. Il n'est rien de moins qu'anarchique. Si l'homme voulait rétablir l'équilibre, il pourrait alors s'attarder à 1. La désertification de nos campagnes. 2. Les dégâts des eaux dues aux crues des rivières et des fleuves, sachant que tout ce qui est cours d'eau suit la loi de l'énergie céleste et terrestre. 3. L'influence néfaste sur les gens de la densité des logements tels que dans les immeubles, les quartiers, les lotissements. Élaborons. 1. La désertification, au niveau des cultures, on ne tient pas compte du paysage. On laboure beaucoup trop. On ne laisse pas suffisamment d'engrais verts. On ne met pas d'engrais naturel, fumier. On préfère l'engrais chimique qui assèche la terre. Quand il fait chaud, elle craque de toutes parts et lorsqu'il y a de grandes pluies, cela occasionne divers désastres. Pourquoi ne pas utiliser uniquement de l'engrais vert et naturel qui assouplit la terre, permettant à l'eau de mieux y pénétrer? Autour de ma maison, il y a de grands champs agricoles. D'une année à l'autre, on y reproduit les mêmes cultures. Je pense qu'il est nécessaire que les paysans soient formés et éduqués non pas uniquement pour le profit, mais en se préoccupant de la qualité de ce qu'ils produisent. D'un autre côté, les pierres sont systématiquement enlevées des terrains, alors qu'elles ont un rôle à jouer pour retenir les terres, empêcher l'évaporation rapide de l'eau, et aussi pour garder la terre humide, ce qui permet à l'eau de s'infiltrer correctement lors des grosses pluies. Toutes ces aberrations font que nous appauvrissons nos terrains de culture. L'homme n'est plus en contact avec la terre. Il est en contact avec son porte-monnaie. Il voit ce que la terre peut lui rapporter, et il ne voit pas qu'il est en train de la tuer. De les rivières passent où l'onde les amène. Si nous détournons les cours d'eau, nous coupons l'énergie qui normalement devrait apporter à la faune et à la flore, l'humidité nécessaire dans les lieux. Lors de catastrophes dites naturelles, les rivières reprennent leur place initiale. Là aussi, il faut approfondir notre connaissance de l'eau qui est en relation avec les courants telluriques, les failles et les courants énergétiques célestes. Le respect de l'eau est important, et on s'en aperçoit de jour en jour. Trop souvent pour une question d'argent, l'homme ne respecte pas l'eau. Pourtant l'eau est vitale. Sans eau, on n'existerait pas. On peut voir au Rwanda ce qu'a donné le manque d'eau. L'homme a souvent des comportements si stupides. Il s'active à l'édification des barrages pour gagner de l'argent. Il pollue l'environnement par les résidus provenant des usines. Pourquoi ? Pour gagner plus d'argent au détriment de la vie, non seulement de l'homme mais de la nature. L'eau est la vie, symbolisée par la croix d'encre, qui est représentée par une goutte inversée. Il est nécessaire d'être alimenté du haut, pour que le sol soit fertile. Croix d'encre. Notre groupe, notre ferme et ses terres, constituent un laboratoire expérimental. C'est une mini-société qui vit pratiquement de ce qu'elle produit. Chacun de nous a laissé sa profession et son salaire pour s'impliquer dans cette aventure. Nous avons mis en commun l'argent que nous avions pour acheter des terres et des maisons, nous loger, travailler la terre et élever des animaux. Nous sommes tous devenus des êtres qui chérissent la terre et ses habitants. Elle nous le rend bien. Nous élevons des animaux pour le fumier, leur lait est transformé en fromage, crème et beurre, leur laine sert au tissage et au tricotage de nos vêtements, ainsi que pour la décoration de notre maison. L'arête un de nos flambeaux. Par la géométrie sacrée et les ondes de forme, nous avons une panoplie très large de possibilités de couleurs et dessins. Les teintures, les pâtes de verre, la poterie et les plantes font partie des objets de recherche pour le bien-être de l'environnement et de nous-mêmes. Notre objectif est de diffuser les connaissances et les résultats de ces expérimentations. C'est une forme de combat. Il faut donner l'exemple. C'est ce qu'a fait notre groupe. Pendant 10 ans, nous avons suscité un déferlement de haine humanitaire sur nous. Nous avons aussi compris qu'il fallait mettre les bouchées doubles, et bien se cramponner au mât de notre axe tertiel, car il serait facile de céder et de chavirer pour avoir la paix. Nous sommes dérangeants pour ceux qui veulent laisser les gens dans leur ignorance, les enferrer pour ne rien faire. Quel enfer! Pourquoi faire? Par contre, nous apportons un grand bonheur à ceux qui veulent comprendre le sens de leur existence. Plus nous allons vers la lumière et la vérité, plus nous suscitons la haine et la moquerie. Tout ce déferlement de passion nous a fait comprendre que nous étions dans le vrai. Cela nous a convaincus qu'il fallait se renforcer et enfoncer nos racines profondément, dans le sol de nos pensées semences. De tout temps, cela se passe de la même manière, lorsque la lumière se pointe. Les ténèbres de l'ignorance, et les démons du pouvoir n'aiment pas être éclairés. Nous nous sommes activés, en ne nous contentant pas de crier en la lumière et d'attendre. Nous avons fait plus que de croire, que le cosmos et les autres feraient le travail à notre place. Nous avons redoublé de détermination. Les attaquants ont la force de l'esbrouf et du mensonge, mais la lumière les pénétrera et fera son chemin. Ils ne savent que faire de la vie. Leur molécule vibre à la lumière, mais la haine et la moquerie augmentent leur taux d'agressivité. La lumière est neutralité et non pas passivité. Elle active et bouleverse les idées acquises, et les certitudes de l'ignorance. Tel nous comprenons notre univers intérieur, tel nous comprenons la nature. C'est de cette manière que nous allons trouver des solutions qui rééquilibreront notre mère nature. Notre environnement de la vallée du Rhône est contaminé, sol, air et eau. Il m'a fallu puiser dans mes connaissances ancestrales, et les appliquer pour rétablir l'équilibre de l'environnement de mon lieu d'habitation. Pour ce faire, j'ai utilisé la science des ondes de forme. Cette science m'est innée. Je l'utilise pour amplifier et appliquer le savoir ancestral de l'ancienne Égypte, berceau de l'humanité. Car c'est dans la forme que s'exprime l'énergie. J'ai enseigné et préparé mes amis issus de toute profession. L'homme dans sa forme est une coudée parfaite. Avec les ondes de forme, j'ai dessiné sur le terrain l'homme archétype, l'homme global, avec tous ses chakras et ses symboles, afin de maintenir cet équilibre toujours en évolution. Pourquoi l'homme archétype? Parce qu'il est le point d'union entre le ciel et la terre. Les enfants nous avons observé pour l'éducation des enfants. 777 égale à 21, date de départ des solstices et des équinoxes, en matière d'éducation, il faut savoir que les 7 premières années de la vie d'un enfant sont liées à la mère. C'est la mère, lune Vénus, qui donne son empreinte majeure à l'enfant. De 7 à 14 ans, c'est le père, soleil Mars, qui prend le relais. C'est à son tour de faire prédominer son influence chez l'enfant. Passé l'âge de 14, jusqu'à 21 ans, l'adolescent intègre la combinaison des deux polarités, père mère en Tao, pour se construire lui-même. Ces trois cycles de 7 ans sont à relier à Toutankhamon, qui correspond au mouvement de la vie de l'âme, par cycle de 3, en Égypte, la force des trois mondes, le passage à l'éternité, qui donne des valeurs indestructibles. L'accomplissement intérieur, la barque d'Isie en Égypte, et la sagesse, s'en suivent. La loi intérieure se forge. Ces cycles de 7 ans sont également à relier au couple de planètes, Saturne-Jupiter. Ces planètes influencent le changement cyclique de 7 ans en 7 ans de notre sang et de notre vie.